Je suis sur un pont et cette route comporte deux voies à sens unique et une bande d'arrêt d'urgence. Comme son nom l'indique, cette portion de la chaussée est réservée au cas d'urgence, c'est-à-dire si moi ou l'un de mes passagers fait un malaise grave ou si ma voiture ne peut plus avancer. Cela permet de ne pas encombrer la chaussée, donc de ne pas gêner la fluidité de la circulation. Des véhicules d'intervention urgente peuvent avoir besoin d'y circuler, aussi je ne m'arrête pas ici pour téléphoner ni pour admirer la vue. Réponse A et B.